Chapitre 8e. Florence, qui brûle du désir d'avoir une aussi heureuse fortune que Barbara, tâche de persuader à sa mère et à sa sœur de prendre un nouveau pensionnaire. Mais elle en est pour ses frais d'éloquence, car sa mère et sa sœur préfèrent vivre d'économies et de privations plutôt que de recourir à ce genre de ressources. Depuis un an, le capitaine écrit par chaque paquebot, non pas une lettre, mais un journal. Il met en œuvre tous les moyens pour se rapprocher en imagination de celle qu'il aime. Barbara Lee relit les lettres de son fiancé, et son plus grand chagrin, c'est de ne pouvoir partager les dangers du capitaine. Elle lui répond longuement, quoiqu'elle n'ait aucun événement à raconter. Elle a trop de bonheur à causer avec lui pour perdre une seule occasion. Les jours du courrier de l'Inde sont sacrés à la Villa des Roses. Madame Trevenock et Florence abandonnent alors le salon à Barbara, et pendant qu'elle écrit à George Leland, elles passent leur journée à examiner des hardes qui sont enfermées depuis un temps immémorial dans les coffres. Encore une nouvelle réquisition du percepteur des taxes, dit Madame Trevenock un matin à ses filles en dépouillant son courrier. J'en serai quitte pour aller chez mon père une fois de plus, reprit Florence, avec son sans-gêne habituel. Je suis d'avis que vous y alliez ce matin même, vous et Barbara. Ah oui, Barbara, riposte Florence d'un ton dédaigneux. La cinquième roue de mon carrosse. C'est elle qui ne souffle jamais un mot. C'est elle qui ne viendrait pas à la rescousse dans un moment difficile. Moi, j'ai du courage moral, de l'indépendance d'esprit. Je procède hardiment. C'est, je crois, du reste, la seule manière de réussir. Cependant, Barbara me sert de contenance, comme un parapluie ou une ombrelle, et je tiens à l'emmener. Les deux sœurs s'empressent d'aller faire leur toilette, et 2 heures après, elles arrivent chez leur père. « Monsieur Trevenock a un client en ce moment, » dit le groom. « Il faut faire une croix à la cheminée, » murmure tout bas Florence à sa sœur. « Si vous voulez, je vous annoncerai. C'est encore le meilleur moyen de faire lâcher prise au premier occupant. » Avant qu'elles aient eu le temps de répondre oui ou non, le groom annonce à haute voix « Mademoiselle Trevenock !» Un individu est debout près de leur père, une main appuyée sur le bureau. Barbara trouve qu'on ne saurait imaginer un type de laideur mieux caractérisé, osseux et fortement charpenté, très régulier mais vulgaire. Si sa physionomie est rustique, son costume l'est encore davantage. Ses cheveux incultes sont parsemés de gris, ses sourcils en broussailles font ombre sur ses yeux. Ajoutez qu'il ne porte pas de gants, que son chapeau est posé en arrière, que ses chaussures sont épaisses et tachées de boue. À la vue des jeunes filles, il ôte son chapeau, vrai réceptacle de vieux gants et de papiers d'affaires. S'ils ne peuvent payer, il faut qu'ils partent. Que m'importe qu'ils soient là depuis 70 ans. Est-ce que cela met de l'argent dans ma poche? Le sentiment ne donne pas de l'argent. Aucunement, répond M. Trevenock. Le client prend sa canne, grosse comme un jeune arbre, et se dirige lentement vers la porte. Mais en ce moment, il aperçoit Barbara et ses pieds semblent cloués au sol. Il n'a jamais étudié le beau dans les arts, ni dans la nature. Mais il a une idée instinctive que rien ne peut surpasser la beauté de Barbara. Il revient dire encore quelques mots à M. Trevenock, puis il se décide à prendre le chemin de la porte. À peine est-il parti que Florence s'écrie « Quel homme affreux, repoussant !»« Vous ne diriez pas cela si vous saviez qui il est, » répond M. Trevenock. « Rien ne saurait modifier mon impression. Quels cheveux, quelles mains, quelle toilette, quelles chaussures, quel chapeau ? Je suis sûr que je n'aurai le cauchemar cette nuit. » Est-ce que tous vos clients sont de ce genre-là? Je ne demanderai pas mieux, je vous assure. Si l'on juge du tout par la partie, cela donne une triste idée de votre clientèle, car il est évident que cet individu ne peut même pas s'acheter une paire de souliers. Il achèterait plus facilement 1000 acres de terre, Florence, que vous, un chapeau. En bonne conscience, on ne devrait pas laisser entrer à Londres des gens aussi mal tournés. Il devrait y avoir un bureau d'inspection dans chaque gare. Qui est-il, en résumé? C'est un des plus riches habitants du Cornouailles. Il est propriétaire d'ardoisières qui lui rapporte plus de 4000 livres sterling par an. Son père a été 3 fois membre du Parlement. Il s'appelle Vivien Penrath. Voulez-vous encore quelque autre détail? Oui. Je voudrais savoir le nom de son tailleur, afin de ne pas être exposé à m'adresser à cet artiste, si je dois jamais me commander un habit de cheval. Ah, dit M. Trevenock en regardant ses ongles avec une scrupuleuse attention. Si votre sœur pouvait épouser ce riche client, cela vaudrait mieux pour elle que son pauvre capitaine. Une tête couronnée ne saurait me faire renoncer à mon capitaine. s'écrie Barbara avec fermeté. « J'aimerais mieux mourir de faim avec George Leland que de vivre dans l'opulence avec ce grotesque individu. »« Vous n'avez pas à refuser, Monsieur Penrith, » répond Monsieur Trevenock. « Il est arrivé à l'âge de 48 ans sans songer au mariage. Il n'est pas probable qu'il aliène sa liberté maintenant. »« 48 ans ?» s'écrie Florence. « Je lui en aurais donné 96 plutôt que 48. C'est un fossile. »« On le serait à moins. Il a vécu presque toute sa vie dans un vieux château situé au milieu d'un vieux parc. » À l'ombre de vieux arbres. Il n'a jamais eu d'autre société qu'un père et une sœur, d'autres occupations que de monter à cheval et de se promener sur ses terres. Pourquoi se résigne-t-il à cette vie modeste et retirée? Pourquoi n'a-t-il pas une maison à Londres? Pourquoi n'a-t-il pas un yacht, une écurie de course, que sais-je encore? C'est un homme de goût tranquille. Il est attaché à sa maison comme un cloporte à un vieux mur. Mais il ne faut pas croire pour cela qu'il soit dépourvu d'intelligence. Le tout est de savoir l'apprécier. Répond Florence. Puis elle se décide à risquer sa requête d'un ton modeste. M. Trevenock l'écoute avec une bienveillance inaccoutumée et tire de sa poche trois sous-marins qu'il met sur son bureau au milieu de ses papiers. Florence les prend délicatement et remercie son père. « Allons, » dit-elle en le cajolant, « encore un peu de monnaie pour notre fiacre, et encore quelques pence pour acheter du papier, des plumes, de la cire. »« Connu, connu, » reprend-il en l'interrompant. Il donne ses petits suppléments à Florence, sans menacer de la jeter par la fenêtre, et dit à ses filles « Allons, adieu mes enfants, je suis très pressé aujourd'hui. »« Qu'est-ce que ma mère deviendrait sans moi ?» se demande Florence avec son petit orgueil habituel.